Lettre 69e, Constantin à Cneius Florianus. Nicomédie, février 303. C'est dans une extrême agitation d'esprit que je t'écris, mon cher Florianus. Un esclave affidé part ce soir même sur un bateau pour se rendre à Byzance, et remettra cette lettre à notre confident pour te la faire parvenir sûrement. La villa est fermée, et tout est dans une fermentation incroyable. Ce matin, la haine invétérée a porté le coup qu'elle méditait depuis si longtemps. À la pointe du jour, des détachements de la garde impériale ont parcouru en silence la ville et visité les églises. Les portes qui se trouvaient fermées ont été enfoncées, les symboles sacrés ont été brisés, les livres et les écrits livrés aux flammes, et même plusieurs temples ont été démolis par la fureur populaire. La consternation et l'effroi ont été les premiers effets qu'ont produit ces horreurs chez les chrétiens, déjà abattus par tout ce qui avait précédé ces mesures rigoureuses. Mais après quelques heures, plusieurs de ceux qui avaient voulu résister et mourir en défendant leurs églises se relevèrent et exhortèrent les autres à la défense. Leur exemple donna du courage, et la ville fut bientôt dans un état d'anarchie complète, et aux portes des temples on voyait le polythéisme et le christianisme se combattant avec fureur. Les rues sont encore inondées de sang et couvertes de morts et de mourants. Les hommes raisonnables se sont tenus enfermés dans leurs maisons. Des païens très considérés n'ont pas voulu prendre part aux excès que leur parti commettait. Le peuple seul était contre les chrétiens, excité en secret par des chefs qui ne se montraient pas, et les cruautés n'en furent que plus terribles. La populace, abandonnée à elle-même dans ces moments de frénésie, ne connaît plus de bornes. Les plus considérables d'entre nous attendent à chaque instant l'ordre de paraître devant les juges. Je suis préparé à tout événement. Il est plus que probable que Galerius ne vise pas seulement à l'extinction d'une secte qu'il déteste, mais qu'il veut profiter de cette occasion pour écraser ceux qu'il craint et qu'il n'ose attaquer ouvertement. Il espère qu'ils tomberont aussi victimes des cruautés atroces qu'il permet et qu'il encourage. Agathoclès partageait mes craintes et mes soupçons. Des motifs imprévus le forcèrent, il y a quelques jours, à faire publiquement sa confession de foi. Sa résistance à marcher contre les chrétiens servit à merveille la haine de Galerius. Il fut ordonné à mon ami, au nom d'Auguste, de remettre sa charge de tribun. Il obéit promptement et sans difficulté, mais dès que cette nouvelle arriva dans le quartier de ses soldats, il s'éleva une émeute entre ses braves compagnons qui ne voulaient pas entendre parler de perdre leur chef. Avec la véhémence qui caractérisait jadis les prétoriens, ils forcèrent l'entrée du palais et sommèrent Auguste de leur rendre leur cher commandant. Sa faiblesse consentit trop facilement à retirer l'ordre accordé trop légèrement à la haine. Les soldats de la garde revinrent ivres de joie, et malgré les instances d'Agathoclès, il fut porté en triomphe sur leurs boucliers réunis jusque dans sa maison avec des cris de joie. Il resta tranquille pendant quelques jours. On n'osait plus le charger d'une commission épineuse. On eut peur qu'il n'abusât de sa situation et de l'amour de ses soldats, mais on l'entoura de tous côtés par des espions. Nous supportâmes l'un et l'autre notre sort avec patience. Nous nous tînmes tranquilles, surtout le premier jour, où la prudence était absolument nécessaire. Vers le soir, Agathoclès me quitta pour être encore deux jours dans son quartier, assez éloigné du mien. Un seul esclave l'accompagnait. Un manteau et un capuchon cachaient son habillement et son rang. Une courte épée était ses seules armes. En chemin, il entend du bruit et des cris lamentables. Il court à l'endroit d'où il les partait. Elle trouve une quantité de peuple et de soldats réunis autour de l'autel d'un temple païen, et prêts de sacrifier une femme et son enfant, qu'un prêtre exécrable leur persuadait d'offrir à sa divinité mensongère. La malheureuse femme résistait avec courage. Un de ces barbares lui arracha de force son enfant et voulait le jeter dans les flammes. Le désespoir de la mère, les cris plaintifs de l'innocente créature percèrent le cœur sensible d'Agathoclès, et en dépit de la prudence, il suivit l'impulsion de ce cœur. Il perce la foule, arrive au milieu, et n'ayant d'autre moyen de sauver les victimes, il proclame la paix au nom de l'empereur, leur représente que l'édit ne portait qu'une suspension du culte chrétien et non point des ordres aussi cruels. Mais quand est-ce que le peuple en fureur écoute la voix de la raison? Leurs cris lui imposèrent silence, et ils entraînèrent la chrétienne à l'autel. Le feu monte à la tête d'Agathoclès. Il ne songe plus à rien qu'à sauver cette victime. Il arrache à son tour l'enfant des mains de ses bourreaux, le rend à sa mère et se met en devoir de la défendre contre la multitude qui s'avançait pour la saisir. Le nombre des fanatiques augmentait toujours davantage. Bientôt, ils ne pensent plus au premier objet de leur rage. Elles se tournent en entier contre Agathoclès. Ils fondent sur lui, armés de tout ce qu'ils avaient pu saisir. Décidé à ne pas céder, il remet la mère et l'enfant entre les mains de son esclave, quoiqu'il sente bien que sa vie soit le prix de ce dévouement. Celui-ci refuse de s'en charger. Il ne veut pas quitter son maître. Un ordre positif le force d'obéir. On le laisse sortir du temple avec les deux infortunés qu'il conduit et protège. Mais Agathoclès est l'objet actuel de la fureur. Déjà blessé en plusieurs endroits, il tombe. Son manteau qui se détache laisse voir son rang et sa charge. Les barbares sont saisis de frayeur en reconnaissant qu'ils ont tué un officier supérieur de la garde impériale. Ils fuient et la multitude étonnée les suit. Agathoclès resta seul, baigné dans son sang. L'esclave qui avait couru précipitamment au quartier de la garde apprend aux guerriers le danger auquel leur chef est exposé. Ils se rendent sur la place, ils n'y voient personne, tout avait disparu. Enfin, ils aperçoivent avec une grande douleur le corps inanimé d'Agathoclès. Il s'en approche, il vit encore, et tous s'empressent à arrêter la perte de son sang. Quelques-uns d'entre eux, chrétiens aussi, se décident à le transporter dans le lieu où les secours les plus prompts et les plus efficaces pouvaient lui être administrés. Dans l'infirmerie des veuves chrétiennes, située à peu de distance de la ville et où depuis plusieurs jours un nombre de victimes avait trouvé des soins soutenus et fraternels. La garde de la porte de la mer, instruite de leur projet, refuse de les laisser passer. Et l'esclave accourt chez moi pour m'apporter cette triste nouvelle. À mon nom, les portes de la ville s'ouvrent. Je vole vers mon ami. Je le trouve sans connaissance entre les mains des charitables veuves. L'une d'elles, jeune encore, la jeunesse est toujours plus sensible, fondait en larmes. Elle n'avait presque pas la force de panser ses blessures, quoiqu'elle ait mis un extrême soin et une adresse aussi remarquable que sa sensibilité pour les maux d'un inconnu. Je m'approchai d'Agathoclès, je pris sa main, je l'appelai par son nom. Il ouvrit les yeux avec peine, regarda autour de lui et les referma aussitôt. L'émotion de l'étrangère augmenta, elle prit un tremblement général. Je lui conseillai de se retirer, si la vue d'un mourant l'affectait trop fortement. Elle me regarda avec des yeux égarés. « Le quitter ? » s'écria-t-elle avec véhémence. « Pas pour tous les biens de ce monde. Mourir avec lui ou le sauver, non. Je ne le quitterai pas, même si je devais perdre en restant mon salut éternel. » Le médecin de l'hospice arriva. C'est un prêtre d'un âge très avancé. Il examina les blessures avec douleur, et je compris d'abord à son geste le jugement qu'il emportait. La sœur, plus pâle que le blessé, attendait avec une anxiété mortelle ce que le médecin prononcerait. Il déclara enfin que les blessures étaient très dangereuses, mais qu'avec des soins soutenus, il ne désespérait pas tout à fait qu'on pût le rendre à la vie. À ces paroles, la sensible veuve poussa un cri de joie et tomba évanouie sur le pied du lit où le malade était placé. On fut obligé de la transporter chez elle. Je restai quelque temps encore, et je m'informai de cette femme, dont la conduite dans cette occasion me surprenait beaucoup. Tout ce qu'on m'en dit ne put me l'expliquer ni ne me faire supposer la moindre des choses. Elle est, me dit-on, d'un pays éloigné, belle-sœur du prêtre qui l'a amenée ici, depuis peu. Elle n'a vu personne depuis qu'elle habite cette maison où elle est en exemple, et ce blessé qui lui inspire un si vif intérêt est un étranger pour elle. Mais on me dit que déjà d'autres fois, elle n'avait pu supporter la première vue des blessures fâcheuses, quoiqu'elle mit ensuite un zèle extrême à les soigner. Agathoclès ne sortant pas de son assoupissement, je me retirai pour ne pas exposer ma sûreté personnelle, et en rentrant chez moi, j'ai voulu te raconter cette triste aventure qui m'agite bien vivement. Tu connais mon cœur, tu sais ce que sont pour moi mes frères persécutés, mais Agathoclès, sur qui je fondais mes plus grandes espérances, mon ami si cher, si dévoué, suis-je condamné à le perdre ? Prie Dieu que ce malheur me soit épargné. La nuit est là, le messager attend. Adieu.